Chapitre 8e, Tribu. Pendant ce temps, Cécile, à qui l'on faisait les remèdes prescrits par les médecins, s'opposait quelquefois de toutes ses forces à l'exécution de leurs ordonnances. Quelquefois aussi, elle ne s'en apercevait pas. Le jour suivant se passa à peu près de même que celui qui l'avait précédé, et le lendemain n'apporta point encore de changement sensible à son état. Elle avait alors plus de gardes et de gens pour la servir qu'elle n'en avait réellement besoin. Toute la consolation de Delville étant de lui procurer continuellement de nouveaux secours. L'entrevue qu'il avait eue avec elle lui avait déchiré l'âme, et n'ayant plus le courage d'entrer dans sa chambre, il passait presque tout son temps sous l'escalier qui y conduisait. Toutes les fois qu'elle était tranquille, il s'asseyait à sa porte. S'il pouvait l'entendre respirer ou se mouvoir, une lueur d'espérance lui procurait une satisfaction momentanée qui le faisait oublier toutes ses peines. Mais dès qu'elle parlait, dès que cette voix chérie commençait à articuler sans suite les expressions de son délire, il descendait promptement, et fuyant la maison, il parcourait les rues voisines jusqu'à ce qu'il reprît assez de courage pour s'informer de ce qui se passait ou écouter encore lui-même à la porte. Le lendemain matin, le docteur Leicester arriva et vit renaître ses espérances. Il courut à sa rencontre, l'embrassa tendrement, lui communiqua son mariage avec Cécile, le supplia d'employer ses talents et toutes les ressources de son art pour la sauver, et prévenir le désespoir où sa mort ne manquerait pas de le jeter lui-même. « Mon bon ami, s'écria ce digne médecin, pensez à ce que vous exigez de moi. Cette pauvre jeune dame n'a peut-être pas plus besoin de secours que vous-même. Pensez-vous que des hommes aussi éclairés que ceux qui se trouvent actuellement auprès d'elle, qui, par une pratique assidue dans une ville telle que Londres, ont joint l'expérience au savoir, aient besoin qu'un petit médecin vienne leur enseigner ce qu'ils doivent faire. J'ai plus de confiance en vous, s'écria Delville, que dans tout le reste de la faculté. Venez donc et ordonnez ce que vous jugerez convenable. Prenez quelque nouvelle voie. Cela est impossible, mon cher monsieur. Si la douleur vous fait délirer, il ne faut pas que la vanité m'aveugle. Je n'ai pu, après la manière pressante dont vous m'avez écrit, me refuser à vos instances. Je vais à présent voir la jeune dame en qualité d'ami. Je suis désolé, et je partage vos peines, monsieur Mortimer. C'est une charmante femme dont l'esprit est fort au-dessus de son âge et qui n'a point les faiblesses de son sexe. Cessez ! S'écria l'impatient Delville. Je ne saurais vous entendre. Allez la trouver, mon cher docteur. Et si vous avez besoin de consulter, envoyez, si vous voulez, chercher tous les médecins de la ville. » Le docteur demanda seulement que ceux qu'il avait déjà vus fussent appelés. Après quoi, il se rendit auprès de Cécile. Delville n'osa l'accompagner. Il connaissait si bien sa franchise et sa sincérité que, quoiqu'il attendît son retour avec impatience, il ne le soupçonna pas plus tôt, au haut de l'escalier, que, craignant d'entendre ce qu'il dirait, il prit précipitamment son chapeau et sortit de la maison. Il parcourut les rues jusqu'à ce qu'enfin la terreur des mauvaises nouvelles lui devint moins pénible que l'incertitude. Il retourna pour lors et trouva le docteur Leicester dans une petite salle sur le derrière, que Madame Royers, persuadée qu'elle serait bien récompensée de ses attentions, avait arrangée à l'usage de Delville, et mettant la main sur l'épaule du docteur, « Eh bien, mon cher ami, lui dit-il la larme à l'œil, vous rêvez ?» « J'espère. Je voudrais pouvoir vous donner des espérances, » interrompit le docteur. « Cependant, pour peu que vous soyez raisonnable, je peux vous suggérer un motif de consolation. La crise paraît approcher. Elle guérira, ou avant demain matin... »« N'achevez pas, monsieur !» s'écria Delville avec autant d'effroi que de fureur. « Je ne veux point qu'elle perde la vie. Je ne vous ai fait pas venir pour me donner de si cruelles nouvelles. » Il s'empressa encore de quitter la maison, laissant le docteur sincèrement affecté de son chagrin, mais trop compatissant et trop raisonnable pour être offensé de l'injustice de son procédé. Au bout de quelques minutes, cependant, par une suite de son désespoir plutôt que de sa philosophie, Delville, plus tranquille, revint faire au docteur des excuses de sa conduite. Que celui-ci lui pardonna de bon cœur. Il consentit même à rester à Londres jusqu'à ce que le sort de la malade fût entièrement décidé. Vers midi, du plus affreux délire et de l'agitation la plus vive, Cécile passa tout à coup à la plus grande insensibilité, au point qu'à peine paraissait-elle exister. si l'on n'avait pas reconnu qu'elle respirait encore, on aurait pu croire qu'elle était déjà morte. Lorsque Delville en fut averti, il ne put plus rester sur l'escalier qui était son poste ordinaire. Il passait tout son temps à courir les rues, d'où il revenait par intervalle trouver le docteur pour lui demander si tout était fini. Ce médecin, doux et humain, aussi touché de la situation de Delville qu'alarmé du péril de Cécile, crut que la crise actuelle lui offrait au moins l'occasion de le réconcilier avec son père. Pour cet effet, il se rendit à la place de Saint-James, et sans rien déguiser, il lui apprit le triste état où Cécile se trouvait et le désespoir de son fils. M. Delville, quoiqu'il eût donné tout au monde pour rompre un mariage qu'il regardait comme humiliant pour sa famille, il n'eût pas été fâché qu'on lui annonçât la mort de Cécile, fut cependant extrêmement déconcerté en apprenant un événement auquel il était convaincu qu'il avait contribué en refusant à Cécile l'asile qu'elle avait imploré. Combattu entre son affection pour son fils et son ressentiment, il pria le docteur de lui donner ses avis sur la manière dont il devait s'y prendre pour l'arracher à ce terrible spectacle. Le docteur, qui savait bien qu'il serait impossible, dans l'excès de son désespoir, de faire entendre raison à Delville, proposa de retourner ensemble et de le surprendre au moment où il s'y attendait le moins. Quoique M. Delville redoutât de s'exposer au désespoir de son fils et qu'il commençât à s'attendrir, il se prêta, mais à regret, à une démarche qui lui paraissait au-dessous de lui. Et lorsqu'il fut arrivé devant la boutique, on eut beaucoup de peine à le décider à y entrer. Mortimer était alors sorti, et le docteur, pour achever de vaincre la fierté du père, trouva moyen, sous prétexte d'attendre le fils, de le conduire dans la chambre de la malade. M. Delville, qui ne savait point encore où il allait, n'eut pas plutôt aperçu un lit et les gens qui la soignaient qu'il voulut se retirer. Mais ayant jeté par hasard les yeux sur Cécile, il fut frappé de son visage pâle et à peine reconnaissable et s'arrêta involontairement. « Regardez cette pauvre jeune personne, » s'écria le docteur, « et soyez encore étonné, si vous le pouvez, qu'une pareille vue fasse oublier tout autre objet à M. Mortimer. » Elle était parfaitement tranquille, quoique totalement privée de l'usage de ses sens. Elle paraissait ne rien distinguer. Elle ne parlait ni ne remuait. M. Delville la fixa avec le plus grand effroi. L'asile qu'il lui avait refusé d'une manière si barbare la nuit où elle perdit l'usage de la raison revint à sa mémoire. Il aurait désiré, dans ce moment, le lui avoir offert lui-même, pour se délivrer des remords que lui causait l'idée d'être la cause de cette scène funeste et terrible. Sa fierté, son ostentation, son ancienne noblesse, son nom même, n'étaient plus pour lui d'un si grand prix. Il les aurait tous sacrifiés de bon cœur pour obtenir le titre de protecteur de cet infortuné, dont il se reprochait d'être le bourreau. Et cependant, dès qu'il commença un peu à revenir de la surprise pénible que lui avait causé ce spectacle terrible, il fut piqué de ce que, sans l'en avertir, le docteur lui rendit le témoin de cette scène affreuse. Et le regardant d'un air courroucé, il se hâta de sortir de la chambre. Delville, qui attendait impatiemment dans la petite salle le retour du docteur, alarmé en entendant sur l'escalier les pas d'un étranger, allait demander qui ce pouvait être. Lorsqu'il vit son père, il recula d'effroi. M. Delville, oubliant sa fierté, ayant toujours devant les yeux l'objet qu'il venait de quitter, le prit dans ses bras en disant « Venez avec moi, mon fils, et abandonnez cette triste demeure, où tout semble concourir à augmenter votre désespoir. » « Ah, monsieur, s'écria Delville, ne pensez point à moi dans ce moment. » Épargnez-moi vos bontés, je suis hors d'état d'y répondre. » Et s'échappant de ses mains, il se hâta de quitter la maison. M. Delville, qui avait repris tous les sentiments paternels, vit sa fuite avec plus de frayeur que de colère et retourna à la place de Saint-James. Tourmenté par les craintes d'un père tendre et par les remords que lui causait l'image de Cécile pâle et mourante. Elle était toujours dans le même état d'insensibilité, et une apparence aussi exempte de souffrance que de sensations agréables, lorsqu'on entendit tout à coup au dehors une nouvelle voix qui s'écria « Où est-elle? Où est ma chère Miss Beverley ?» Henriette Belfield entra tout à coup dans la chambre. L'avertissement inséré dans les gazettes l'avait décidée à se rendre à Londres, et elle y avait trouvé l'adresse de M. Wyers. La circonstance que la personne égarée avait continuellement à la bouche le nom de Delville lui avait d'abord fait soupçonner que ce pourrait bien être Cécile. Son signalement servit à confirmer ses doutes, et la description de son ajustement répondait parfaitement à celui qu'elle lui avait vu. M. Arnaud, aussi consterné qu'elle, lui avait prêté son équipage pour qu'elle pût vérifier ses conjectures, et il était venu dans la nuit. « Que vois-je ? » s'écria-t-elle, courant à la ruelle du lit. « Ce ne saurait être là, Miss Beverley. Juste au ciel, oui, c'est bien elle. Personne ne pourrait le croire. Sa propre mère la méconnaîtrait. » « Il faut vous retirer, mademoiselle, » dit Marie. « Il le faut absolument. Les médecins ont défendu de troubler son repos. « Qui oserait m'arracher d'auprès d'elle ? » s'écria-t-elle. « Personne, Marie. » « Oh, aimable Miss Beverley, je veux coucher à vos côtés. Je ne vous quitterai plus tant que vous vivrez. Je voudrais, oui, je désirais pouvoir acheter votre précieuse vie aux dépens de la mienne. » Alors, se penchant pour la contempler mieux, « Est-ce là, s'écria-t-elle, cette Miss Beverley, si heureuse autrefois, au bonheur de laquelle j'avais cru que tout devait concourir ? Cette Miss Beverley, qui paraissait être la reine du monde entier, et qui malgré cela était si bonne, si douce, si honnête avec les gens même du dernier rang, si sévère pour elle-même et si indulgente pour les autres. Au milieu de cet éloge simple et pathétique du mérite et des perfections de Cécile, le docteur Leicester entra dans la chambre. Toutes les femmes, à l'exception de Marie, s'empressèrent de l'assurer qu'elle n'avait point attiré cette étrangère. Marie se contenta de lui dire qui elle était, et que si sa maîtresse pouvait s'apercevoir que ce fut elle, il n'y aurait personne au monde dont la présence lui fit plus de plaisir. « Jeune demoiselle, lui dit le docteur, je vous conseille de passer dans une autre chambre jusqu'à ce que vous soyez un peu plus calme. Je vois que tout le monde cherche à m'éloigner, s'écria la triste Henriette en sanglotant. Mais on le tenterait vainement, car je ne m'en irai sûrement pas. Vous avez tort, repartit le docteur, vous ne pourrez rester ici. Croyez-vous témoigner beaucoup d'amitié en vous comportant de cette manière avec une personne dangereusement malade ? Oh, ma chère Miss Beverley, s'écria Henriette, entendez-vous tous les reproches qu'ils me font ? Voyez-vous comme ils veulent me chasser d'auprès de vous ? Ils s'opposent même à ce que je vous regarde. Parlez pour moi, chère Miss, parlez vous-même en ma faveur. Dites-leur que la pauvre Henriette est bien éloignée de penser à vous faire le moindre mal. Dites-leur qu'elle ne demande qu'à rester auprès de vous, qu'à vous voir. Je veux tenir cette précieuse main, je veux que ma bouche y soit collée jusqu'à la dernière minute. » Quoique le caractère sensible et compatissant du docteur fût très affecté de la douleur et de la tendresse de cette jeune personne, il lui représenta cependant avec un peu d'impatience qu'il n'était pas convenable dans ce moment de s'y livrer comme elle le faisait. Mais plus Henriette était convaincue du danger de Cécile, et moins elle voulait s'éloigner. « Jetez les yeux sur elle, s'écria-t-elle, et voyez s'il vous sera possible de m'obliger à la quitter. Voyez comme ses beaux yeux sont immobiles, voyez seulement l'altération de ses traits. Elle ne m'aperçoit pas, elle ne m'entend pas, sa main est déjà froide, son visage est tout à fait changé. Pauvre malheureuse Henriette, il ne te reste plus aucun ami dans le monde. Tu peux aller habiter où tu voudras, personne ne viendra vers toi et ne cherchera à te consoler. » « C'en est trop, dit le docteur, il faut absolument l'emmener de force. Cela ne sera pas, s'écria-t-elle désespérée. Je resterai avec elle jusqu'à ce qu'elle ait rendu le dernier soupir. J'y resterai même encore après. S'il était possible de parler, elle vous dirait qu'elle y consent. » Elle aimait la pauvre Henriette et voulait toujours la voir auprès d'elle. Lorsqu'elle était malade et affligée, elle ne lui ordonnait jamais de sortir de la chambre. Cela n'est-il pas vrai, ma chère Miss Beverley ? Ne savez-vous pas que ce que j'avance est la pure vérité ? Le docteur se fâcha alors très sérieusement, et lui disant qu'une pareille violence pourrait avoir de funestes conséquences, il l'épouvanta, lui fit entendre raison et l'emmena lui-même. Il eut alors la complaisance d'aller avec elle dans une autre chambre où, lorsque sa première vivacité fut un peu calmée, ses remontrances, en lui prouvant les mauvaises suites que son obstination aurait pu produire, l'engagèrent à promettre de ne retourner auprès de Cécile que lorsqu'elle aurait assez de force pour se conduire avec plus de modération. Le docteur, en rejoignant Delville, le trouva fort alarmé de ce qu'il avait tardé si longtemps. Il lui communiqua, en peu de mots, ce qui venait de se passer, et lui conseilla d'éviter d'augmenter sa douleur par la vue des souffrances de cette imprudente jeune fille. Henriette, un peu calmée par les exhortations du docteur, se contenta d'aller s'asseoir sur le bord du lit sans oser ouvrir la bouche, sans faire autre chose que de regarder son ami malade et essuyer ses yeux baignés de larmes. elle sortait de temps en temps de la chambre pour sangloter et pleurer sans contrainte. Le soir, tandis que le docteur et Delville étaient sortis pour respirer un peu l'air, il se passa une nouvelle scène dans l'appartement de Cécile, qui continuait encore à être sans connaissance. Albany y entra tout à coup, suivi de 3 petits enfants, 2 filles et un garçon, qui pouvaient avoir 5 à 6 ans, assez bien mis, l'air propre et de bonne santé. « Voyez, s'écria-t-il, voyez ce que je vous amène. Levez, levez votre tête appesantie et regardez de ce côté. Vous me croyez sévère, ennemi du plaisir, austère, dur. Contemplez ce spectacle et vous vous convaincrez du contraire. Qui pourrait vous procurer des consolations, des plaisirs comparables à ceux que je vous présente, 3 pauvres innocents vêtus et nourris par votre libéralité ?» Henriette et Marie, qui connaissaient toutes deux Albany, ne furent que peu surprises de tout ce qu'il faisait et disait. Cécile ne voyait certainement rien de ce qui se passait, et Albany, surpris, s'approchant un peu plus du lit, « Ne veux-tu pas parler ? » lui cria-t-il. « Elle ne saurait, monsieur, lui dit une des femmes. Il y a plusieurs heures qu'elle a entièrement perdu la parole. » L'air satisfait avec lequel il était entré fit alors place au découragement et à la consternation. Il la contempla pendant quelques minutes en silence, et poussant ensuite un profond soupir, il s'écria « Que ce jour est funeste pour les indigents, combien ils vont pleurer cette perte !»« Hélas » ajouta-t-il, « enfants destitués de toute ressource, vous ne connaissez pas encore tout ce que vous perdez. » Il les emmenait après cela, mais revenant subitement sur ses pas, « Peut-être, dit-il, ne la reverrai-je plus ? N'est-il donc pas juste que je prie pour elle ? Que le changement qu'elle éprouve dans ce moment est grand et terrible. Que les révolutions humaines sont des choses frivoles en comparaison. Venez, pauvres petits enfants, venez. Elle vous a souvent comblé de ses dons. Comblez-la votre tour de bénédiction. Allons, prosternons-nous autour de son lit. Prions tous ensemble pour elle. Levez vos innocentes mains. Et je parlerai au nom de tous. » Il les fit mettre à genoux, et s'y tant mis lui-même avec Henriette et Marie qui l'imitèrent. « Charmante fleur, s'écria-t-il, cueillie avant le temps, et que les chagrins ont fané, mais qui a conservé tout son parfum, que ta fin ne soit point douloureuse, car ta vie n'a jamais été souillée par le crime. Puisse tes peines être légères, toi dont les péchés ont été si peu nombreux. Regardez-la, mes enfants, et ne l'oubliez jamais. Je vous visiterai souvent. Et vous rappellerez ce triste spectacle. Regardez-la aussi, vous autres, qui êtes moins éloignés de votre fin. Hein, la supporterez-vous aussi bien qu'elle ? Il s'arrêta. La garde et Madame Wyers, frappées de cette exhortation et entraînées par l'exemple, s'approchèrent leur tour et se mirent presque involontairement à genoux. Elle nous quitte, reprit Albany. Elle, dont l'âme a encore toute sa pureté, et dont le remords n'a point troublé la paix. Elle, dont la charité était sans bornes. La pitié résidait dans son cœur. Sa bouche ne s'ouvrait que pour administrer des consolations. Ses pas étaient accompagnés de bénédictions. Ô toi, dont la pureté a été exempte de tâches, que ta victoire soit célébrée par des chants de triomphe. Tu t'endormiras tranquillement avec tes pères, et tu te réveilleras glorieuse pour jouir d'une nouvelle vie qui n'aura plus de fin. Après cela, il se leva, prit les enfants par la main, et sortit avec eux.